Dorment sans souci, qui ont ces gens qui souci. Qui sont ces gens qui dorment sans ces gens qui dorment sans souci. Qui sont-ils? Ils sont sans ces gens qui. Ils sont ces gens. Qui dorment sans souci aujourd'hui? Qui sont ces gens qui dorment? Qui sont ces gens qui dorment aujourd'hui? Qui sont ces gens qui dorment aujourd'hui sans souci? Reste encore un peu après que la fin soit terminée. Reste encore un peu après que même la fin soit terminée. Reste encore un peu après que toute la fin. Reste encore un peu après que la fin. Thank you. Europa once again. Once again. Once again. If you don't recall your past, you're doomed. Don't leave it. Recall your past, you're doomed. You're doomed, you don't recall your past. You're doomed, you're doomed. Was. Come on, dominate a penis.